Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dites donc, vous vous souvenez de cette histoire incroyable ? C'était il y a si longtemps. Pourtant, elle a fait beaucoup causer. Mais si, souvenez-vous, le sultan venait d'apprendre qu'il était trompé par son épouse. Et il l'a fait condamner. Mais si, c'est alors que le sultan, pour être certain que son épouse lui resterait fidèle, a pris une incroyable décision. Il allait changer d'épouse tous les jours en la faisant tuer au petit matin. Il faisait tuer l'épouse de la veille. Ah, nous avions les yeux écarquillés à l'annonce de cette nouvelle. 365 épouses par an. Pire encore, les années bissextiles. Mais si, ça y est, ça vous revient. Quand le sultan épouse la fille du vizir, Scheherazade, elle le prend au piège. Elle lui raconte chaque nuit une histoire qui reste en suspens alors que le jour se lève. Et comme le sultan veut connaître la suite du récit, ben il ne la tue pas. Mais ça y est, cette histoire incroyable est le propos des mille et une nuits qui fait rêver ce sultan fabuleux et qui a fait rêver tant de générations. Ce sont des contes au cœur de l'histoire persane, des contes qui nous conduisent jusqu'à l'histoire de la Perse et de l'Iran médiéval à la croisée des peuples et des cultures. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous allons en Iran, et nous y sommes d'ailleurs, et nous y sommes bien, à la confluence des passions, une semaine consacrée à cette région. Un carrefour, il faut le dire, c'est ce qui nous intéresse particulièrement, plus que de dire que l'Iran est une zone de conflit, c'est plutôt un carrefour de peuples, de cultures, sans cesse en contact avec ses voisins, et puisqu'il effraie et puisqu'il fascine, eh bien tout simplement, comment porter un regard perçant sur l'Iran. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, le podcast, et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, l'Iran médiéval à la croisée des peuples. Avec vous, Camille René, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire du monde arabo-musulman médiéval à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « La défense du territoire en Iran nord-oriental ». Jusque-là, on voit sur la carte nord-orientale, et vous rajoutez, c'est nécessaire de le mettre, « Khorasan ». Transoxiane. C'est vrai que ce sont des régions, et vous devez vous en rendre compte, qui sont méconnues. Votre champ d'étude, vous, c'est du 9e au 11e siècle. C'est un champ d'étude immense parce qu'il est longtemps resté en marge. Tout à fait, c'est un champ d'études qui est considérable et qui surtout offre de nombreuses possibilités dans la mesure où extrêmement peu de travaux ont été réalisés en France sur ce sujet-là. Il faut plutôt se tourner vers les anglo-saxons pour avoir des informations sur cette histoire qui est pourtant fondatrice pour l'histoire de l'Iran, du monde islamique en général et même de l'Europe. On y reviendra plus tard, je le suppose. Et oui, non, vous avez raison de le souligner parce que l'Iran est sans cesse au cœur de l'actualité et se rendre compte que l'on connaît mal son histoire, c'est vraiment un défaut qu'il faut vite corriger. J'entendais ajouter aussi sur l'étendue de l'Iran médiéval qu'il déborde très largement l'Iran au sens actuel du terme. Vous l'avez précisé dans la thèse sur laquelle j'ai travaillé, je me suis intéressée à l'Iran nord-oriental, c'est-à-dire les régions du Khorasan et Transoxiane, qui correspondent en réalité à une partie du nord-est de l'Iran actuel, à l'Afghanistan, mais aussi à des régions comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, voire même jusqu'au Kazakhstan, jusqu'au sud du Kazakhstan. Avec nous également ce matin pour parler de l'Iran médiéval, Eve Feuillebois. Eve, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'Iran médiéval », ça tombe bien, c'est aux belles lettres. Eve Feuillebois, vous êtes maître de conférence en littérature persane à la Sorbonne Nouvelle. Dites-nous, nous entendions avec Camille René que les limites géographiques de l'Iran médiéval dépassent l'Iran d'aujourd'hui. Le mot médiéval, le Moyen-Âge de l'Iran, ne peut pas être calqué à notre Moyen-Âge. À nous, comment on joue sur les bornes chronologiques ? Alors, ça, effectivement, c'est un problème qui est souvent évoqué. D'ailleurs, dès que je présente ce livre, on critique les deux mots qui sont employés dans le titre, c'est-à-dire l'Iran d'une part et médiéval de l'autre. La période médiévale en Iran n'a pas les mêmes limites que celles que l'on imagine en Europe, notamment pour le début, on pourrait dire que ça commence avec la conquête musulmane, la conquête arabo-musulmane, et on pourrait le faire finir, disons, à la veille de l'accession au pouvoir des Safavides, donc la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Oui, VIIe siècle, oui. Et puis nous pouvons aller. Donc c'est une longue période, c'est un millénaire, ça représente un millénaire d'histoire, et ce n'est pas du tout une période qui est uniforme. Il y a énormément de dynasties qui se succèdent. Il y a en plus, des périodes de grands empires suivies de périodes d'invasion, suivies de périodes où le territoire se morcelle en petites dynasties locales, etc. Donc c'est extrêmement varié. Et puis, comme le disait Camille, ça s'étend sur un territoire immense. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut résumer en quelques mots. Mais c'est un choix que nous avons fait dans le cours de l'histoire, justement, de prendre ce territoire immense sur un temps très long pour essayer de comprendre à la fois les constantes et à la fois comment tout ce territoire est un lieu d'échange de culture, et notamment nous allons en parler avec vous, Kadim Jihad Hassan, bonjour. Bonjour. Vous êtes poète, traducteur, vous êtes critique littéraire, vous êtes professeur à l'INALCO, et l'auteur d'une préface d'un numéro de la revue Europe que vous avez coordonné, un numéro consacré aux mille et une nuits. Les mille et une nuits, c'est vrai que nous l'attachons à la tradition, à des origines persanes, mais en vérité, très vite, cette œuvre échappe à son monde d'origine et devient une œuvre, allez, je ne sais pas si on peut utiliser le mot, mais international, mais c'est complètement anachronique. Oui, et d'abord, je tiens à commencer par rendre hommage à la revue Europe et à son directeur littéraire, Jean-Baptiste Barra, qui est lui-même un grand poète français, un grand traducteur de l'italien, du russe, et critique littéraire aussi. Donc, il a ouvert ce numéro. Ça a commencé avant même, parce qu'il y a 2 ans, j'ai coordonné aussi pour la revue, à la demande de Jean-Baptiste Barra, un numéro consacré entièrement au poète palestinien Mahmoud Darwish. Et là, c'est sur les mille et une nuits. Donc, vous savez, les mille et une nuits sont très étudiées dans le milieu académique, universitaire, auquel j'appartiens. Mais les études étaient plutôt centrées sur les aspects narratifs, n'est-ce pas, et génétiques, les origines du texte, les transformations, les métamorphoses. Là, nous avons essayé, c'est-à-dire comme je suis à cheval sur le monde littéraire et le monde universitaire, on a donné, si vous voulez, une approche multiple, diversifiée. Il y a l'étude des aspects philosophiques, possiblement historiques de texte. Il y a aussi l'impact sur les littératures actuelles. Il s'agit des Français, par exemple. Il y a une très belle étude écrite par Florence Godot sur les nuits chez Marcel Proust. Tout le monde savait qu'il a consacré une page en mille et une nuits dans Le Temps Retrouvé. Mais là, on voit que dans la structure même de La Recherche du Temps Perdu, il y a une trace, il y a un fil ou un filon qui vient des nuits. Dans ce numéro, donc, j'ai la préface, comme le veut la formule, et le coordinateur préface. D'ailleurs, il faut dire que j'étais co-responsable du numéro parce que Jean-Baptiste Barra est intervenu massivement ici. En traducteur, en rédacteur, etc., etc. Il a fait plus que ce qu'il fait d'habitude. Parce que le sujet, comme nous avons invité des intervenants américains, français, italiens et arabes, exigeait cela. Et donc, dans ce numéro, j'ai aussi une étude sur l'impact des mille et une nuits sur la littérature arabe actuelle. Maintenant, on revient aux persans. Alors, attendez, parce qu'avant de revenir aux persans, on va mettre en place, vous évoquiez, Nadim Jihad Hassan, ses origines de ce texte des mille et une nuits. Et justement, on va construire ses bases, mais on va les construire en faisant un petit détour par la radiodiffusion française en 1949. Oui, parfait. En 1949, Alfred Fouché, historien d'art, se demandait, mais pourquoi y a-t-il tour à tour dans l'histoire des civilisations favorisées et d'autres sacrifiées ? Pourquoi y a-t-il ainsi tour à tour dans l'histoire des générations relativement favorisées et d'autres impitoyablement sacrifiées ? Qui nous le dira jamais ? Par bonheur, le VIe siècle n'est pas clos, que déjà l'éphémère puissance de ces barbares nomades a été détruite sous les efforts conjugués des princes indiens et iraniens, ceux-ci aidés dans leur tâche par la nouvelle horde qui débouche de la steppe, celle des Turcs. Au milieu d'un tel remue-ménage, il semble que ce soit une gageure que de prétendre tracer un tableau de l'Iran oriental au milieu du VIIe siècle. Les l'Iran oriental dans l'émission Heure de Culture le 29 août 1949. Cet Iran oriental évoqué par Alfred Fouché, historien d'art, est insaisissable. Il le dit lui-même, hein. C'est comment va-t-on faire? C'est tellement grand, c'est tellement vaste. Il y a des successions de dynastie, mais également de peuple. Ève Feuillebois, cet Iran-là est le successeur d'un monde qui était connu comme étant le monde perse, ce monde regardé par les Grecs. L'invasion arabe est une véritable rupture? Oui, on peut dire que c'est une véritable rupture dans la mesure où toutes les infrastructures, le pouvoir sassanide s'est effondré complètement. La religion zoroastrienne, qui avait un rôle très important, a aussi perdu de sa superbe, n'a plus voix au chapitre, et l'islam a petit à petit remplacé les religions locales. Mais ça a pris énormément de temps. On voit que dans les campagnes, la conversion ne se complète véritablement qu'au XIIIe siècle. Donc plus de 6 siècles pour convertir petit à petit l'Iran à l'islam. Donc cette conversion, elle s'est effectuée par stades. Il y a eu en quelque sorte des précurseurs qui souvent ont été soit des militaires, soit des nobles, parce qu'ils avaient beaucoup à perdre en restant zoroastriens. Ensuite, il y a eu les villes qui se sont converties et les campagnes ont été les dernières à se convertir avec souvent un syncrétisme établi entre les anciennes religions et l'islam. Donc ce qui donne un mélange tout à fait intéressant et puis surtout un islam des villes qui est né assez tôt par rapport aux régions environnantes et qui a permis à l'Iran, enfin aux Iraniens, aux Persans, de se positionner, disons, de manière très intéressante dans la création de la culture arabo-persane, que ce soit au niveau des sciences profanes ou des sciences religieuses. C'est vrai qu'il suffit d'imaginer une carte mentale et de regarder la situation de l'Iran, de se rendre compte que c'est un carrefour évident. Nous sommes entre plusieurs mondes. Dites-nous, Camille René, ces mondes, ces contacts ne sont pas que des contacts d'opposition. Bien sûr, c'est une zone de carrefour. Les échanges ne se transforment pas, le commerce ne se transforme pas quand il y a des changements religieux, surtout qu'ils prennent du temps. Comment ce monde de l'Iran médiéval regarde ses voisins? C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une zone d'échange ou dans un moment de renfermement? Alors, cela reste une période d'échange économique très important, d'échange intellectuel, culturel. On a, on pourra peut-être évoquer tout à l'heure, par exemple, Kalilah Odimna, ce genre de production littéraire qui traverse l'espace iranien et qui met en contact différentes régions. Je laisse les côtés culturels de ces échanges pour plus tard. En ce qui concerne les échanges économiques, l'un des intérêts de l'Iran, c'est qu'il se trouve, je dirais, sur ce qu'on appelle avec beaucoup de facilité les routes de la soie, qui ont connu des hauts et des bas en termes de fréquentation, aussi bien qualitative que quantitative. Et sur ces espaces de circulation sont échangés à cette époque-là beaucoup de marchandises qui viennent notamment des steppes du nord et de l'est, par exemple des fourrures qui sont très prisées dans le monde islamique médiéval. Mais l'une des denrées qui est aussi très prisée, ce sont les esclaves. Les esclaves qui viennent des steppes, que l'on va appeler bien souvent roulam ou mamelouk, qui constituent des esclaves militaires et dont le fonctionnement est encore l'objet de nombreuses discussions parmi les historiens de l'époque. Et parmi ces roulam, certains vont arriver à s'emparer de l'intérieur du pouvoir au sein du monde islamique. Et si je souhaiterais revenir simplement sur quelques étapes de transformation politique de la région, F. Feuillebois évoquait le bouleversement des conquêtes arabo-musulmanes. Donc celles-ci, dans ce vaste Iran, ont lieu entre, disons, les années 640 et les années 710, si on s'intéresse à des villes jusqu'à Samarkand, qui tombe en 712. C'est un processus qui prend un certain temps, mais qui couvre des espaces considérables. Et à partir de cette conquête-là, sont mis en place des gouverneurs arabes dans un premier temps, puis iranien, et c'est là que vont émerger les pouvoirs provinciaux en fait iraniens, principalement à partir du 9e siècle. Et dernière étape majeure, c'est l'arrivée au pouvoir des Turcs cette fois-ci. Donc là, c'est un processus qui commence à la toute fin du 10e et plutôt au 11e siècle. Avec cet espace intéressant, quand on parle de l'Iran médiéval, Camille René, c'est que nous sommes à l'extrémité, aux confins de ce monde arabe, arabo-musulman, c'est-à-dire que nous sommes complètement en Orient, nous sommes au contact avec un autre monde. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas complètement répondu à votre question précédente. Comment l'Iran perçoit-il l'ennemi ? C'est important de savoir précisément qui est au pouvoir à cette époque-là pour pouvoir réfléchir à cette question de la représentation de l'ennemi. Lors de la mise en avant de gouverneurs d'origine iranienne, ceux-ci vont construire leur légitimité et leur accession à une indépendance de fait sur la figure de l'ennemi turc, qui est une figure largement rhétorique d'un ennemi qui peut avoir parfois, qui peut être l'objet de descriptions physiques stéréotypées et qui en même temps fascine les Iraniens, qui est très prisé pour ses compétences guerrières. Et c'est aussi une opposition entre l'Iran et le Touran dont j'imagine Eve Feuillebois parlerait beaucoup mieux que moi. Bah, Eve Feuillebois, justement, c'est quoi cette opposition en fait, ce regard que les Perses donc qui sont islamisés, portent sur ces Turcs. Les Turcs, ce sont des nomades alors, hein, ils viennent des steppes. Oui, alors ce nom, en fait, cette appellation Iran-Touran, elle a été extrêmement popularisée par le Livre des Rois, qui est l'un des premiers chefs-d'œuvre de la littérature persane, on dit classique, mais disons après la conquête musulmane. Donc il s'agit d'une énorme épopée en 50 chapitres qui parle des différents souverains iraniens jusqu'à la conquête mongole. Donc, jusqu'à la conquête arabe. Donc on n'entre pas dans le monde médiéval, on reste dans le monde, disons, antique. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que la partie centrale de ce livre est occupée par la description des interactions entre, d'une part, les Iraniens, qui sont considérés comme, voilà, c'est le peuple sédentaire, civilisé, et d'autre part, le Touran, donc les Turcs nomades, qui ne sont pas du tout méprisés, au contraire, ce sont des adversaires de valeur, mais ce sont des adversaires qui seront, qu'on essaie de présenter comme étant finalement toujours vaincus par les Iraniens, en dépit justement de leur valeur militaire extraordinaire. C'est vrai que dans cet Iran médiéval, il y a cette double construction, c'est comment décrire l'ennemi, le voisin, l'autre, l'étranger, et puis comment unifier un monde qui, par définition, est extrêmement divers par les cultures, par les langues. C'est un monde qui s'étend et un monde d'échange. Cet échange apparaît à travers les sources, à travers les textes, et notamment un traité de gouvernement de Nisam al-Mulk du XIe siècle. Un extrait de ce traité nous est lu ce matin en direct dans le cours de l'histoire par Daniel Koenigsberg. Quand des ambassadeurs viennent des pays étrangers, il n'en faut donner avis à personne jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la cour. À l'aller comme au retour, nul ne les fréquentera ni ne leur fournira de renseignements. Il faut recommander aux fonctionnaires placés aux frontières, lorsque quelqu'un se présentera à eux, d'envoyer un cavalier de faire connaître à la cour le nom de la personne, le lieu d'où elle vient, le nombre des cavaliers et des gens de pied qui forment sa suite, la nature de ses bagages, l'importance de son train et le but de son voyage. On leur fournira des vivres à chaque étape. On les traitera avec égard et on les fera partir satisfaits. Si on se conduit bien ou mal à leur égard, il en sera comme si on avait traité bien ou mal leur souverain. Si parfois la division a éclaté entre des souverains, et si des ambassadeurs ont été renvoyés. Jamais ils n'ont été molestés et jamais on n'a manqué à l'habitude de les bien traiter, ce qui serait désapprouvé par tout le monde. C'est ainsi que nous voyons qu'il est dit, et l'envoyé ne peut recevoir qu'un bon traitement évident. Thank you. un extrait du traité de gouvernement de Nissam al-Mulk, un ouvrage du XIe siècle, lu par Daniel Königsberg, où nous entendons clairement que les échanges sont codifiés, que ce monde de l'islam médiéval, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, ce monde-là est un monde traversé de routes, de circulation. Ce n'est pas du tout un monde fermé. F. Feuillebois, c'est un monde, vous regardez l'islam médiéval dans son ensemble, où on circule énormément. Oui, c'est un monde où on circule énormément, mais pas pour le plaisir. Il y a toujours, derrière la notion de voyage, il y a toujours la notion d'un intérêt supérieur. L'un de ces intérêts, bon, donc soit pour faire la guerre, soit pour rechercher la science. Et ça, c'est vraiment l'un des... Ou soit pour faire du commerce. Donc ce sont les trois grands axes qui motivent les personnes pour voyager. La science, donc la recherche de la science... c'est la science religieuse, mais aussi les sciences profanes. Et on a à cœur, disons après avoir reçu une éducation de base dans sa province d'origine, de faire un peu le tour des lieux qui sont réputés pour leurs savants, etc. Et donc on va voir différentes personnes et on s'instruit auprès de ces différentes personnes de manière relativement informelle. Il n'y a pas d'école ou d'université avant justement Nizam al-Mulk, donc ça reste très informel dans un premier temps. Donc le deuxième but du voyage, ce sont les grands marchands. Donc là, il s'agit d'apporter des denrées rares et en général, donc c'est quelque chose, c'est un commerce assez prestigieux, assez dangereux, qui est fait. Qui est basé sur la confiance au sein d'entreprises familiales. Et enfin, donc, la guerre, qui est bien aussi une manière de voyager, même si ce n'est pas, ça peut nous paraître assez brutal, mais qui souvent se fait accompagner de la cour. C'est-à-dire, il y a les armées, mais il y a aussi la cour. Et avec la cour, il y a des tas d'intellectuels qui voyagent également. Et parmi ces intellectuels, il y en a qui se sont intéressés justement aux autres peuples, comme Biruni par exemple qui va décrire l'Inde, comme d'autres qui ont décrit les parties plus au nord ou plus à l'est des territoires, le Caucase, etc., l'Asie centrale. Et on s'étonne, on note les différences qui existent entre ces différents peuples et on en fait même des livres. Donc c'est tout à fait une approche ouverte. C'est ça, les déplacements dans l'Iran médiéval ne se limitent pas dans le monde arabo-musulman, ils vont plus loin. Vous, Camille Ronet, vous avez étudié ce qu'on pourrait appeler une frontière, mais là encore, notre imaginaire nous pousse à porter des notions anachroniques. Cette limite, ce confin, comment pourrait-on dire ? Ce confin, c'est une zone évidemment de rupture, mais aussi de contact, c'est une interface. Tout à fait. Alors, la question de frontières pour l'époque médiévale suppose de se départir totalement des représentations modernes que nous pouvons véhiculer, c'est-à-dire qu'à l'époque médiévale, il n'y a quasiment aucun exemple de frontières linéaires au sens moderne du terme. Le seul exemple véritable de frontières linéaires qu'on retrouve de manière récurrente dans cette histoire médiévale de l'Iran, c'est la frontière que constitue l'Amoudaria. Donc ce fleuve gigantesque qui, à plusieurs reprises, sépare des pouvoirs islamiques. Donc il s'agit plutôt, en fait, d'une frontière qui, rapidement, est une frontière intérieure au monde islamique médiéval et qui va séparer des pouvoirs provinciaux, les provinces étant en l'occurrence des entités gigantesques à cette époque-là. Je pense notamment à des affrontements entre des pouvoirs iraniens tels que les Safarides et les Samanides, ou plus tard entre des pouvoirs turcs islamisés tels que les Ghaznavides et les Karahanides à partir de l'an 1000 et des années qui suivent. Camille, René, vous voyez, je ne vous pose pas des questions de précision sur tous les noms que vous devez citer, parce que c'est vrai que ça sort de notre sphère culturelle à tort, et tout doucement d'ailleurs, les études permettent de créer des repères, mais de mettre en place tout cela ce matin nous éclaire sur ce monde qui nous était encore inconnu. Les recherches arrivent notamment en France, vous l'avez expliqué Camille Ronet. Dites-nous, Kadim Jihad Hassan, quel regard portez-vous sur ce que vient de dire Camille Ronet et F. Feuillebois ? Oui, c'est-à-dire, dans le sillage de ce qui vient d'être dit par mes chers collègues, je dois rappeler que l'apport des Iraniens à la culture arabe est immense dans la mesure où, comme elles l'ont dit d'ailleurs, il ne s'agit plus de culture purement arabe, mais d'une culture arabo-musulmane. Et comme le rappelle le professeur André Michel, dans plusieurs de ses ouvrages, la littérature arabe par exemple, ou l'islam et sa civilisation, ou la géographie humaine et dans le monde musulman avant l'an 1000, et à partir d'un certain moment, et cela durera pendant plusieurs siècles, l'arabe est devenu ce qu'a été le latin pour l'Europe, c'est-à-dire un creuset de savoir, un véhicule, un laboratoire, tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire un élément, un signe fédérateur dans lequel les énergies venant de toutes les régions qui venaient d'intégrer l'islam venaient, si vous voulez, s'exprimer, ajouter à ce creuset commun. Et dès le début, comme l'a dit ma collègue Madame de Hautebois, dès le début, les Iraniens ont joué un rôle précurseur pour la fondation de la littérature administrative, bureaucratique, et ensuite à intervenir dans la littérature elle-même ou à proprement parler. Eh bien, justement, Kadim Jihad Hassan, nous allons écouter un poète iranien, poète perse du XIIIe siècle. Il s'appelle, et je vais bien le prononcer, Maulana Jalaluddin Mohammad. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas, c'est sublime. Et il est repris dans une version contemporaine par Alireza Ghorbani, une grande voix de la musique classique iranienne. C'est un album qui s'appelle Éperdument, mais le titre que nous allons entendre, donc qui vient tout droit du XIIIe siècle, c'est Deldar. Alireza Ghorbani qui chante Deldar, un poème venu tout droit du XIIIe siècle, du XIIIe siècle persan. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec à la technique Dali Yaha. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à l'Iran médiéval pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui. L'Iran médiéval, c'est un territoire pris en tenaille entre plusieurs empires, hein, l'empire ottoman à l'ouest, l'empire mongol, où on pourrait même évoquer les Turcs dans un premier temps à l'est, l'Iran médiéval qui apparaît véritablement comme un territoire à la croisée des peuples, des cultures, tout simplement à la croisée des mondes. Cette croisée des mondes se fait par la littérature. Nous avons évoqué cette langue, la langue arabe. Peut-on dire que l'arabe est cette langue qui unifie un monde extrêmement divers, en fait? Quels sont les points communs à cet ensemble, ce territoire immense, qui est alors le monde arabo-musulman? Et en tout cas, l'influence que peut avoir l'Iran médiéval. L'arabe est le point commun? Alors, qui va me répondre? Ève Feuillebois. Oui, l'arabe est certes la langue qui va vraiment être employée par les Iraniens aussi bien pour la littérature que pour les sciences. Bon, la littérature, disons jusqu'au Xe siècle, et pour les sciences bien plus tard, et pour les sciences religieuses pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Ceci dit, les Iraniens n'ont jamais perdu en fait le contact avec leur langue. Ils ont toujours été, enfin les élites étaient bilingues, complètement bilingues, c'est-à-dire que et parfois trilingues. Donc elles connaissaient l'arabe qui était la langue de culture, le persan qui était la langue vernaculaire, celle qu'on parlait à la maison, et parfois aussi le turc ou le sogdien ou d'autres langues iraniennes d'Asie centrale, selon l'endroit où ces populations se situaient. Donc, il y avait vraiment, on passait d'une langue à l'autre avec une très grande facilité. Donc, l'arabe est restée cette langue, disons, de communication pour tout ce qui est religion, à cause justement de l'islam, puisque le Coran est en arabe et les sciences religieuses s'étant développées en arabe, on a continué sur cette lancée. Et puis ça permettait justement d'être communiquer à tout cet ensemble de peuples divers, hein, du monde musulman, de communiquer ensemble grâce à cette langue. Par contre, au niveau littérature, à partir du Xe siècle, naît une littérature écrite en persan, et le persan redevient une langue de culture à côté de l'arabe, une langue littéraire, donc dans laquelle on va écrire de grands chefs-d'œuvre comme le Livre des Rois qu'on évoquait tout à l'heure. Le Livre des Rois, et évidemment, quand on évoque la littérature persane, apparaissent les Mille et Une Nuits. Les Mille et Une Nuits, ça fait partie de notre culture, parce que nous l'avons redécouvert sans doute tardivement. Nous allons écouter un extrait des Mille et Une Nuits, ces contes arabes, dans la traduction d'Antoine Galland. Écoutez ce matin, dans le cours de l'histoire, Scheherazade et Camille André. C'est Camille André qui lit les Mille et Une Nuits. Ma chère sœur, j'ai besoin de votre secours dans une affaire très importante. Je vous prie de ne pas me le refuser. Mon père va me conduire chez le sultan pour être son épouse. Que cette nouvelle ne vous épouvante pas, écoutez-moi seulement avec patience. Dès que je serai devant le sultan, je le supplierai de permettre que vous couchiez dans la chambre nuptiale afin que je jouisse cette nuit encore de votre compagnie. Si j'obtiens cette grâce, comme je l'espère, souvenez-vous de m'éveiller demain matin, une heure avant le jour, et de m'adresser ces paroles. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. Aussitôt, je vous en conterai un. Et je me flatte de délivrer par ce moyen tout le peuple de la consternation où il est. Camille André qui nous lisait un extrait des Mille et Une Nuits, Scheherazade. Scheherazade, pauvre Scheherazade, et en fait sublime Scheherazade, parce qu'elle risque la mort avec son époux forcé, le sultan, mais elle arrive par une ruse à rester en vie en lui racontant des histoires nuit après nuit. Dites-nous, Kadim Jihad Hassan, quelle est l'origine en fait de ces Mille et Une Nuits? Nous imaginons bien qu'il n'y a pas un auteur qui s'installe un beau matin et puis qui écrit son livre. Oui, si vous permettez, juste le fait, sans vouloir abuser de votre temps, compléter un peu ce que vient d'être dit par Madame de Haute-Poix, ma chère collègue. Allez-y. Concernant l'apport iranien à la culture arabe, parce qu'on a parlé du côté iranien, les Iraniens étaient, disons, tenus d'user de l'arabe comme langage ou comme langue de savoir, surtout religieux, hein, mais ils ont gardé, en effet, et heureusement, pour l'humanité, pour nous tous, et l'usage de la langue iranienne comme langue véhiculaire, comme langue de littérature. Le rapport de l'arabe aux Iraniens est tout à fait ordre, parce que à partir d'un certain moment, dans la mouvance musulmane, comme des milliers d'Iraniens venaient vivre en Irak, un pays limitrophe, il y a eu la naissance, que la France connaît très bien, à travers la francophonie, d'auteurs arabes d'origine iranienne, dont les parents sont iraniens, mais ce sont, comme si vous voulez, comme les beurs de l'époque, n'est-ce pas? Ils usaient de l'arabe, et nous, les critiques littéraires arabes, on tient à l'exactitude, à la précision, on les appelle des auteurs arabes d'origine iranienne. Sans oblitérer l'origine, parce qu'on voit dans la thématique, il y a des traces quand même, il y a des traductions, même s'il ne parlait pas l'iranien. Si vous connaissez sûrement le poète Abou Nouas, qui est une renommée internationale, pas qui a innové beaucoup la poésie amoureuse, ibashik, en arabe. Ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Il y a des philosophes bilingues, comme Avicenne, qui a écrit des récits visionnaires dans les deux langues. Nos amis iraniens l'appellent auteur persan. Certains arabes, plus ou moins chauvins, l'appellent auteur arabe. Or, c'est simple, l'affaire est simple, et c'est de l'auteur bilingue. Oui, revenons en lui. Alors, non, mais c'est vrai, on va reparler des nus, mais c'est vrai, vous avez raison de souligner qu'Kadim Jihad Hassan se mélange, en fait, de langues, ses origines plurielles. Et pour les nuits, est-ce que l'on peut se contenter d'une origine persane? Oui, il y a l'idée d'origine, mais ça exige précision. On dit que ce sont des contes persans. Non, ce n'est pas vrai. Techniquement parlant, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans les nuits, on a des substrats, si vous voulez, très bien délimités dans la thématique, dans la forme. Des substrats d'abord indiens, ensuite arabes venant de l'Irak et de l'Égypte. Ce sont les trois couches narratives ou substrats très connus. Quant au rapport à la culture persane, c'est à la fois plus modeste et plus décisif. Vous voyez, dans la mesure où l'ouvrage, comme le dit un témoin de l'époque, c'est-à-dire le grand historien arabe Ibn Nadim, qui a laissé un grand index général pour la culture, une somme biographique et socio-historique, l'idée des mille et une nuits, c'est pourquoi on les appelle Arabian Night, vous savez en anglais, c'est les contes arabes. Parce que c'est écrit en arabe, les personnages sont arabes, l'ambiance est arabe, mais il y a l'intrigue, il y a le canevas de l'œuvre, ça vient de persan, c'est très important, parce qu'il y a une œuvre dont on a perdu la trace en persan, qui s'appelle Hazar Afsane, littéralement 1000 contes. Donc l'idée d'abord de cette multiplicité. Il n'y a pas que ça comme dette. Il y a le récit cadre, à savoir que Shahriar, le roi, épouse Shahrazade, et elle invente une ruse féminine du génie pour l'empêcher de la tuer, comme il avait la hantise parce qu'il était adultéré une fois, il tuait toutes les femmes qu'il épousait après une nuit, n'est-ce pas, de débat amoureux. Pour le tenir en haleine, il dit, je regarde dans l'histoire, l'aube venue, elle arrête l'histoire, lui dit, on reprend le lendemain, et ainsi de suite, elle est devenue mère, elle a eu trois enfants, elle a inculqué à ce roi le sens de la patience, de la paternité, un peu d'empathie qui lui manquait. Et finalement, elle a sauvé la gente féminine à travers cela, le sexe féminin. le genre plutôt. Non, mais Kadim Jihad Hassan. Donc le canevas est très important. À part cela, tous les récits sont plutôt, si vous voulez, d'atmosphère et de composition arabe. De composition arabe, d'origine perse, avec des fils que l'on peut tirer jusqu'en Inde, vous l'avez dit, en Égypte. C'est intéressant, cette construction de la littérature dans l'Iran médiéval, parce qu'il y a évidemment ici le plaisir du récit, mais il y a toujours des volontés dans les constructions littéraires de se construire une image, de s'imposer, et en l'occurrence, hors des mille et une nuits, il y a d'autres ouvrages, il y a le livre des rois qui a déjà été cité. Ces livres-là présentent le monde de l'Iran médiéval de façon à le légitimer. Comment ça se construit? Quels sont les angles qui sont présentés? Camille René, on présente souvent ce monde-là comme un monde guerrier. C'est mis en avant, toujours? Non. Tout dépend évidemment du type de littérature que vous allez consulter. Le livre des rois évoqué par Feuillebois, ce fameux Shahnameh, a été l'objet d'une tradition orale, d'une transmission orale, mettant en avant le combat entre la civilisation et le monde des barbares, pour simplifier les choses, pour caricaturer un petit peu le récit. Si vous vous intéressez à une histoire dynastique, eh bien là vous allez trouver quelques éléments un petit peu plus nuancés. Par exemple, au XIe siècle, on a l'histoire dynastique de Bayaki qui propose un récit de légitimation de la dynastie qu'il sert en tant que secrétaire de chancellerie. Et là, on va retrouver aussi bien des éléments renvoyant au rôle de héros militaires du dirigeant, du sultan turc en l'occurrence, que des éléments sur la culture, la vie de cour, les intrigues de cour, puisque l'auteur est issu de cette chancellerie. Donc tout dépend évidemment de la littérature que vous allez consulter. Et comment cela se construit-il ? Eh bien, les sources d'inspiration sont extrêmement diverses. Je voulais ajouter par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait qu'il y ait eu tout un effort de traduction dans le cadre de l'Empire islamique, hein, sans se restreindre à l'Iran. Il y a eu tout un phénomène de traduction et d'appropriation des héritages pré-islamiques par le pouvoir omeyyade et abbasside. Cet effort de traduction a reposé sur les savants de la région. On a mobilisé des Iraniens, différents types de populations et de confessions religieuses pour s'approprier notamment des livres de gouvernement hérités de l'époque sassanide, supports du savoir profane par exemple, des traités de gouvernement inspirés de la tradition indienne. Donc les sources d'inspiration sont vraiment multiples. L'idée est d'inscrire l'islam et l'Iran dans une logique d'héritage finalement auquel se serait ajoutée la religion musulmane. Camille René, on entend bien cet héritage, mais multiple, cet héritage dans le temps, même par rapport à l'Antiquité, à cette antiquité parfois fantasmée, héritage venu de toutes les parties du territoire conquis ou là où s'est installé l'islam. Et puis, héritage encore plus lointain, c'est ce qu'on retrouve dans des échos contemporains, par exemple, dans un film, en 1958, un film de Nathan Juran, c'est le 7e voyage de Sinbad. Ah ben oui, ça fait rêver, nous sommes pas loin du péplum, mais là aussi, il y a des contacts lointains. Sois le bienvenu, Sinbad, toi qui as fait merveille pour éviter la guerre. Et quelle merveilleuse beauté ramènes-tu ? La princesse Parisa, fille du sultan de Chandra, qui a promis de devenir mon épouse, gage d'amitié durable entre les deux royaumes. Je te reçois comme ma fille, mon enfant, car j'aime Sinbad comme mon propre fils. Je vous remercie, votre hautesse. Mon père, le sultan, forme des vœux pour votre santé. Il me charge de vous dire qu'il arrivera d'ici une semaine pour notre mariage. Ce sera un mariage royal. Il en aura tout l'éclat. J'ai hâte d'entendre le récit de ton voyage. Oh, un étrange voyage dont le récit vous semblera incroyable. Ah bien, incroyable postérité de cet étrange voyage. C'est le 7e voyage de Sinbad qu'on vient d'entendre, extrait d'un film de 1958 de Nathan Durand, mais qui évoque les mille et une nuits. Et ces mille et une nuits, en fait, sont un succès parce que la trame narrative est merveilleuse déjà en soi. Il y a une parole universelle, ce qui explique aussi, j'imagine, son succès, Kadim Jihad Hassan. Oui, c'est-à-dire l'intrigue est très, si vous voulez, séduisante. Le récit poussé à l'infini. Du moment qu'il a des récits emboîtés, on invente un récit à partir de l'autre. Parfois, les contacts, les rapports plutôt, entre un récit et celui qui précède sont très ténus, très bien évidents, manifestes. Et parfois, il suffit d'un prétexte pour relancer l'histoire un peu plus loin. Et cette technique a eu, si vous voulez, un succès magnifique et un impact majeur. Hein, sans vouloir trouver les nuits là où elles ne sont pas, ou un peu partout, hein, comme si c'était la clé de Sésame, et on voit, en effet, de façon déclarée par les auteurs eux-mêmes, qu'il s'agisse de Proust, de Borges, de Gabriel García Márquez, de Mishima ou d'autres, on voit que cela a donné une sorte de libération pour l'esprit. Cette dérive au mental, imaginatif, c'est l'importance, je crois, est là. C'est cette, si vous voulez, cet élan donné à l'esprit, l'invention. Pour peu hein, qu'elle soit fondée, qu'il y ait une cohérence, le récit devient, si vous voulez, un exercice apte à être poussé à l'infini. Et je dois mentionner aussi seulement Rushdie qui a beaucoup profité des nuits. Oui, voilà, c'est un exercice qui parle à tout le monde, qui est très bien structuré, mais qui est réinventé. C'est-à-dire que notre regard aujourd'hui sur l'islam médiéval, quand on est historien, historienne, et qu'on s'intéresse à cette période-là, il faut savoir se détacher, j'imagine, de plein de constructions imposées par l'islam médiéval lui-même, et puis par le regard porté sur les autres. L'une et l'autre, Camille René et à Feuillebois, c'est vrai que souvent, ce sont les oppositions qui ont été mises en avant avec ce monde-là. Les échanges et la culture sont aussi importantes pour voir les imbrications avec notre monde, si on parle de l'Occident. Camille René. Oui, tout à fait. J'évoquais tout à l'heure la nécessité de bien distinguer le type de littérature, le type d'ouvrage que l'on va consulter. Les ouvrages ont été produits dans des intentions bien précises, c'est-à-dire que on va retrouver le même principe en termes de discours en général. Le discours qui est produit dans l'entourage d'un dirigeant ne va pas être nécessairement le même que celui que va produire quelqu'un qui est consacré plutôt à la science, disons. Et au sein de la pratique du pouvoir, on peut très bien trouver des éléments qu'on considère a priori comme contradictoires. C'est-à-dire que la construction d'un discours qui va insister sur les frontières, sur la représentation de l'ennemi d'une part, n'empêche pas nécessairement qu'on va échanger avec celui qui est censé incarner l'ennemi. Je pense en particulier à ce qui s'est passé notamment à l'époque des émirats iraniens, donc vers les 9e et 10e siècles, où on va s'appuyer sur la représentation du Dar al-Islam, c'est-à-dire le monde dominé politiquement par l'islam, comme étant opposé au Dar al-Kufr, le monde dominé politiquement par des infidèles. Donc on s'appuie sur ce discours-là, très centralisateur finalement à l'échelle du monde islamique, mais en même temps, on va s'intéresser extrêmement aux Turcs, à leurs produits, échanger avec eux. Et finalement, il n'y a pas véritablement de frontières fermées, ce qui matériellement était de toute façon impossible. Mais évidemment, il faut se départir d'une vision beaucoup trop dichotomique, beaucoup trop simpliste de la situation. Oui, merci beaucoup Camille René de le souligner, parce que c'est ce qui m'a marqué également. C'est l'opposition entre un discours d'opposition majeure et puis le travail de l'historien, historienne qui permet de voir qu'en fait les échanges sont nombreux, notamment les échanges culturels. Merci beaucoup Kadim Jihad Hassan. Donc c'est la revue Europe, hein, le dernier numéro sur les mille et une nuits que vous avez coordonné. Merci Camille René, merci F. Feuillebois, l'Iran médiéval, c'est aux belles lettres. Merci à vous trois, mais dans le cours de l'histoire maintenant, il est l'heure de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin dans le journal de l'histoire, bien une histoire de chasse au trésor. Effectivement, en 2013, une statue d'Apollon de peut-être plusieurs millénaires est retrouvée au large de la bande de Gaza. Un trésor dont la découverte fait bientôt vibrer le monde entier. Les spécialistes se bousculent pour l'expertiser, les musées rêvent à l'idée de pouvoir l'exposer. Mais l'enthousiasme tourne court, la statue disparaît quelques semaines plus tard. Nicolas Vadimov et Béatrice Guelpa sont partis en quête des traces du dieu disparu dans un film « L'Apollon de Gaza ». Les spéculations restent en suspens, les doutes aussi sur l'authenticité de l'objet. Jean-Baptiste Humbert, père dominicain et archéologue, témoigne dans ce film. Ce qu'il faudrait savoir, d'abord, c'est clarifier son histoire. D'où vient-il? Qui l'a trouvé? Comment l'a-t-on trouvé? Mais l'enquête sera difficile à mener. La piste de l'Apollon de Gaza nous plonge dans un curieux mélange d'évocations entre l'ambiance monacale d'un couvent dominicain, les rues de la Gaza contemporaine et les mystères de la mythologie grecque associés en un beau sac de nœuds. Les réalisateurs partent à la rencontre des acteurs de cette histoire interrompue, du pêcheur qui l'aurait retrouvé en passant par l'atelier d'un bijoutier encore sous le charme de sa rencontre, avec la finesse des détails de la statue, la taille des cheveux crépus, les mains et la pierre noire logées dans l'un des yeux de cet Apollon. On croise aussi un tailleur de pierre, les remises des antiquaires et les quelques experts qui ont pu approcher l'Apollon avant sa disparition. Une oscillation entre l'extase grandiose de la découverte merveilleuse et la réalité des moyens du gouvernement de Gaza. L'hypothèse d'une découverte dans la mer nous a semblé totalement improbable. Quand on dit « trouver dans la mer à Gaza », ça veut dire que la mer n'appartient à personne. Donc de dire qu'on l'a trouvée dans la mer, c'est nulle part. Si l'Apollon de Gaza pourrait n'être qu'un artefact truqué, une mystification, les acteurs s'interrogent malgré tout sur les conditions de sa production. Comment une statue de près de 2 mètres, élaborée à partir de plusieurs centaines de kilos de bronze, aurait-elle pu être fabriquée à Gaza sous blocus depuis 2007 et ensuite abandonnée? La statue aurait été escamotée des examens des spécialistes et des appétits du marché des antiquités par les autorités gazaouites qui le cacheraient en lieu sûr. C'est unique, c'est une découverte inestimable. On ne pourrait pas donner un prix, cela reviendrait à tenter d'évaluer un tableau comme la Joconde au musée du Louvre. Ça n'a pas de prix, c'est unique. L'Apollon de Gaza génère de grandes ambitions, de la convoitise, des rêves de gloire retrouvés. Chacun rêve son Apollon, mais à travers le mystère du sort de cette statue, c'est tout un horizon d'attente qui se montre à nous. Sa découverte agit comme une capsule temporelle, un rappel de ce qu'avait été Gaza lorsqu'un temple d'Apollon fut construit dans la florissante cité commerciale, lorsqu'Alexandre le Grand est passé par là, un âge d'or relégué par l'histoire d'un conflit israélo-palestinien sans fin, celle d'une ville en état de siège. La vérité importe finalement peu dans cette histoire de statue évanouie dans la nature, c'est sa force de fable qui l'emporte. L'Apollon prisonnier incarne Gaza et lui restitue in absentia un trésor précieux, un patrimoine de l'inestimable, un objet chargé d'affect, d'image et d'évocation. Peu importe son prix, c'est sa charge symbolique qui lui donne sa valeur. L'Apollon de Gaza, c'est une histoire à se raconter, à l'image de ce personnage qui fabrique sans cesse ses têtes d'Apollon en attendant sa réapparition, la reproduction d'un espoir nécessaire à chaque jour. Merci beaucoup Anaïs. L'Apollon de Gaza est en salle et ça donne envie d'aller le voir. Et pour réécouter votre chronique et retrouver tous les liens à voir et à lire, rendez-vous sur la page du Journal de l'Histoire sur franceculture.fr. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous sommes intéressés à l'Iran médiéval. Et c'est vrai que le monde contemporain fait sans cesse des échos au passé, notamment pour l'Iran, le Shah avait regardé l'héritage antique perse. Dites-nous à Feuillebois, l'Iran médiéval a été récupéré, est-ce qu'il est encore aujourd'hui regardé, et notamment dans l'Iran actuel ? Oui, il est regardé, mais c'est assez ambigu parce qu'on a tendance... Ça dépend de quel point de vue on se place. Le pouvoir en place va plutôt avoir tendance à mettre en valeur l'héritage musulman et la spécificité de l'islam iranien. Mais pour les Iraniens cultivés, même n'importe quel Iranien, on va immédiatement penser à cet héritage antique. Et on a parlé de rupture tout à l'heure. Il y a aussi une continuité remarquable aussi bien dans les institutions que dans les arts, dans les manières d'être, etc. Donc en quelque sorte les Iraniens ont toujours réussi en quelque à marier différents apports d'où qu'ils aient pu venir, et je pense que leur force, c'est justement une sorte de soft power. Même lorsqu'ils sont disons vaincus par leurs adversaires, au bout d'un moment ils reviennent au pouvoir par la petite porte en tant que conseillers, ministres, etc. Et ils apportent aussi tout leur savoir-faire, et du coup ils influencent considérablement la manière dont on va concevoir aussi bien le pouvoir que la culture. Merci beaucoup pour cette précision. Feuillebois, l'Iran médiéval à l'Iran aujourd'hui. Une histoire, c'est l'histoire, ça continue, c'est toujours en continu. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar. Des émissions à réécouter en balado-diffusion ou en direct sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr. Demain, nous restons en Iran, mais au moment de la révolution 1979, ces années 1980, la violence de la République islamique au cœur des familles. Oui, nous entrons dans les foyers pour voir ce que fut la violence de ce début des années 1980.